sauce. Envoie le dinero. Hey, salope, tu descends. Ton Uber est là, tu descends. La vie est faite de rebondissements. Depuis ramener la coupe, tu m'appelles le sang. Mais salope, faut me laisser. Pour en arriver là, j'ai dû bosser. Y'a 3 ans, j'étais dans un fossé. Je chantais juste pour m'amuser. J'ai du tempérament, tu dis que je me la raconte. Je suis juste ivoyant, je sais pas ce que tu me racontes. Et si y'a agent, on va te régler ton compte. Y'a énormément de zéros sur mon compte. Y'a plus de grands, y'a plus de petits. Écrasement de tête avec des anodis. J'ai dit y'a plus grand, y'a plus petit. Écrasement de tête avec des anodis. Faire du sale, c'est pas assez. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Pourtant toi tu m'as vu tout casser. Tout niqué comme Tony Sosa. Faire du sale, c'est pas assez. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Pourtant toi tu m'as vu tout casser. Tout niqué comme Tony Sosa. Je veux toujours une prière pour mes gabas. J'y ai sa maas, des mal et brava. Kabongo, DJ, le sang, le maquilla, la rosa. Oui, mes tchans, mes frères, mes saltas. On m'a dit, sois un homme, pas un trouillard. Mon grand frère, H-Magnum, depuis le départ. Y'a plus de grand, y'a plus de petit. Écrasement de tête avec des anodis. J'ai dit, y'a plus de grand, y'a plus de petit. Écrasement de tête avec des anodis. Faire du sale, c'est pas assez. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Pourtant, toi, tu m'as vu tout casser. Tout niqué comme Tony Sosa. Faire du sale, c'est pas assez.